ils ont mes contrats sur ma tête, 5 au 0 sur le chèque. J'ai confiance en elle, j'ai qu'elle me trahira pas. De leur autour du cou, tout ce que je fais c'est réel. Ils ont des liens épais, je sais que ça suffit pas. Je sais que t'es prête à faire la guerre. D'ailleurs tu me fais penser à ma mère. J'ai enterré ce que j'ai dans le cœur. Prends le dernier vol, tu dois me fuir. Yeux dans les yeux, juste la vérité. C'est sans rancune, j'ai tout effacé. Parle de nos souvenirs au passé. Toutes ces épines, elles nous ont piqué. Passe ma vie à lui mentir, je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. Je passe ma vie à lui mentir, je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. On peut plus voir, c'est trop tard, s'il te plaît, reste loin de moi. On sera mieux sur les photos. On peut plus voir, c'est trop tard, s'il te plaît, reste loin. J'aurais pu tout changer par amour. Pourtant moi c'était pas mon domaine. Même si mon cœur a fait banqueroute, t'as toujours été le seul qui tient la route, ouais. Pour toi j'aurais pu retourner ciel et terre. D'ailleurs toi aussi tu me fais penser à mon père, papy. Même si souvent je prenais mon air vénère, y'a que pour toi que j'aurais pu être éther, papy. Yeux dans les yeux, juste la vérité. C'est sans rancune, j'ai tout effacé. Parle de nos souvenirs au passé. Toutes ces épines, elles nous ont piqué. Passe ma vie à lui mentir, je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. Je passe ma vie à lui mentir, je pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. On peut plus voir, c'est trop tard, s'il te plaît, reste loin, non, on sera mieux sur les photos. On peut plus voir, c'est trop tard, s'il te plaît, reste loin, non, on sera mieux sur les photos. Je n'ai jamais voulu te briser. Le mal est plus facile à faire. Tout ça, on aurait pu l'éviter. La question c'est, est-ce qu'on le voulait? Je n'ai jamais voulu te briser. Le mal est plus facile à faire. Tout ça, on aurait pu l'éviter. La question c'est, est-ce qu'on le voulait? J'passe ma vie à lui mentir, j'pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. J'passe ma vie à lui mentir, j'pensais que j'allais m'en sortir. J'avais pas vu les épines juste avant d'atterrir. On peut plus voir, c'est trop tard, s'il te plaît, reste loin, non, on sera mieux sur les photos. On peut plus voir, c'est trop tard, s'il te plaît, reste loin, non, on sera mieux sur les photos.